s'être aimé, deux hommes, deux femmes. Cela n'a rien d'un drame. Ils s'aiment avec raison, pas besoin de votre approbation. Laissez-les vivre, laissez-les survivre. L'homophobie est une maladie sans gêne et sans répit. Voulez-vous la guerre? Cela risque d'être éphémère. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous n'avez que des idées. Regarde. Mais de quoi vous mêlez-vous? Tant de morts à cause de vous. Les homos se suicident. Leur sang est si livide. Tout ça à cause de vos préjugés. Lesbiennes gays sont frappées par des imbéciles. Sans vous tout serait possible. Homophobie est une maladie sans gêne, sans répit. Voulez-vous la guerre? Cela risque d'être éphémère. Mêlez-vous de ce qui vous calme. Vous n'avez que des idées. Regarde. Et si un jour, on fait respecter l'amour, le jour où je verrai, dans la rue, deux gays s'embrasser, là je me dirai que l'on a gagné, Si vous me comprenez, et si vous me soutenez, cette chanson, serait passée. Et une maladie sans gêne et sans répit. Voulez-vous la guerre? Cela risque d'être éphémère. Mêlez-vous de ce qui vous calme. Vous n'avez que des idées. Homophobie est une maladie sans gêne et sans répit. Voulez-vous la guerre? Cela risque d'être éphémère. Mêlez-vous de ce qui vous garde. Vous n'avez que des idées.